société est vraiment pourrie. Nous le faisons savoir dans nos chansons et dans notre état d'esprit. Dans notre société, pour y arriver, faut se taire et appliquer. Dans notre société, pour y arriver, faut se taire et appliquer. Viens donc rejoindre notre groupe, là-haut dans la montagne, là où tous les moutons bougent. Viens donc rejoindre notre groupe, là-haut dans la montagne, là où tous les moutons bougent. À 3 ans, tu sais à peine parler, que ta mère te dit déjà, il faut que t'ailles bosser. Tu découvres un autre univers, les enfants ont le même âge, mère, tu pas le seul sur terre. Là-bas, ils t'apprennent à être très sage, pour rester poli, pas parler à n'importe qui. Faut que plus tard, tu puisses t'insérer dans cette société qui plus tard va t'aider. Dans cette société qui plus tard va t'aider. Dans cette société qui plus tard va t'aider. Dans notre société, pour y arriver, faut se taire et appliquer. Dans notre société, pour y arriver, faut se taire et appliquer. Viens donc rejoindre le groupe, là-haut dans la montagne, là où tous les moutons broutent. Viens donc rejoindre le groupe, là-haut dans la montagne, là où tous les moutons broutent. Arrivé en primaire, j'ai échangé 4 bicons, un frisbee orange et gris. Mais regarde Paul, ça vaut pas, son frisbee là est gratuit chez Ikea. La maîtresse te dit, faut pas dire ce que tu penses, ça peut gêner les autres, merde, c'est l'intolérance. Faut pas dire ce que tu penses, ça peut gêner les autres, merde, c'est l'intolérance. Dans notre société, pour y arriver, faut se taire et appliquer. Dans notre société, pour y arriver, faut se taire et appliquer. Viens donc rejoindre le groupe, là-haut dans la montagne, là où tous les moutons broutent. Viens donc rejoindre le groupe, là-haut dans la montagne, là où tous les moutons broutent. Arrivé au collège, tu deviens rebelle, une plaque cachée dans les couverts. Dans ta tête, tu te crois grand, mais ton âge mental n'est pas plus élevé qu'un gamin de 6 ans. De la musique pourrie, même si ça te plaît pas, sinon t'as pas d'amis. Tu écoutes la musique pourrie, même si ça te plaît pas, sinon t'as pas d'amis. Dans notre société, pour y arriver, faut se taire et appliquer. Dans notre société, pour y arriver, faut se taire et appliquer. Hey, viens donc rejoindre le groupe, là-haut dans la montagne, là où tous les moutons broutent. Viens donc rejoindre le groupe, là-haut dans la montagne, là où tous les moutons broutent. Enfin, au lycée, tu peux te lâcher, partager tes idées. Mais non, là je peux pas le faire. Je retiens ce qu'on m'a dit en primaire. C'est bien, garçon, t'as 100% raison. L'école a bien pris en main ton éducation. C'est bien, garçon, t'as 100% raison. L'école a bien pris en main.